franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Hugo Pratt, La naissance de Cortot, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Michel Sidoroff. Cortot Maltese est un nom célèbre bien au-delà du monde de la BD. Cortot est devenu une icône pop, un James Dean d'encre et de papier. Et c'est aussi l'alter ego de son créateur, le bouillonnant dessinateur italien Hugo Pratt, auteur d'une œuvre qui a marqué l'histoire de la bande dessinée et qui lui a donné ses lettres de noblesse. La jeunesse tumultueuse d'Hugo Pratt est sa principale source d'inspiration, sa matière première qu'il déforme en la manipulant comme de l'argile. Hugo est né en 1927 à Rimini, il parle de sa mère comme d'une cartomancienne quasi mystique et il assume totalement l'engagement fasciste de son père Rolando, militaire de carrière. Toute la famille se retrouve même engagée dans l'aventure mussolinienne en Éthiopie. Hugo Pratt a alors 10 ans et il porte l'uniforme fasciste. Son enfance est sacrifiée dans une guerre qui tourne rapidement au désastre pour les Italiens. Hugo doit grandir rapidement, son père est fait prisonnier par les Britanniques et meurt en détention en 1942. Rapatrié en Italie en 1943, Hugo rentre à Venise avec un caractère déjà bien trempé. Il aime les femmes, l'alcool et il n'a pas froid aux yeux. Il se joue des fascistes et rejoint les forces américaines. Auprès des soldats, il découvre les bandes dessinées d'artistes tels que Milton Caniff. Romantique et avide d'aventure, il entame une vie de voyage et de rencontres aux quatre coins du globe. Sa carrière de dessinateur débute quand il s'installe en Argentine en 1949. 13 ans plus tard, il rentre en Europe et dessine pour divers journaux en Italie et en Grande-Bretagne. 1967 marque un tournant dans sa carrière avec la sortie de la Ballade de la mer salée. Il raconte les aventures de Caïn et Pandora, deux jeunes cousins retenus prisonniers par Rasputin sur un catamaran au milieu de l'océan Pacifique. Pratt raconte son histoire comme un roman dessiné, ce qui est une première, avec pour narrateur l'océan Pacifique lui-même. Et pourquoi pas? L'intrigue, complexe, les personnages fouillés et son inimitable trait à l'encre noire font gagner à Hugo Pratt l'admiration de ses pairs. Pourtant, les ventes ne sont pas encore au rendez-vous. Et c'est sa rencontre avec Georges Rieux, le rédacteur en chef de Pif Gadget en 1969, qui va tout changer pour lui. Grâce à une totale liberté éditoriale, Hugo peut affiner son style et déployer son univers durant les 3 années où il travaille à Pif. Son héros, c'est un navigateur, fils d'une gitane de Gibraltar et d'un marin de Cordouaille, Cortot Maltese. 12 albums plus tard, les dessins d'Hugo Pratt sont exposés dans les musées et Cortot est devenu un phénomène de masse. Héros romantique et désabusé, c'est surtout le dernier aventurier des temps modernes dans un monde où vivre l'aventure est devenu si difficile. Hugo Pratt s'éteint le 20 août 1995 dans sa maison des Coteaux du lac Léman, laissant derrière lui une œuvre majeure et une brèche vers la reconnaissance artistique de la bande dessinée. Pour nous y aider à approfondir cette personnalité, nous recevrons après la fiction Didier Plateau, éditeur depuis 45 ans, dont 20 ans chez Casterman. Il était président de Casterman France. Il a édité Hergé et Hugo Pratt. Il a créé aujourd'hui sa propre maison d'édition, Moulinsart, du nom du château du capitaine Haddock. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Hugo Pratt, La naissance de Cortot, de Vincent Hazard, une réalisation de Michel Sidoroff. Et j'arrive dans ce petit cimetière perdu en Éthiopie. Et là, je vois la tombe de mon père. C'était la première fois. C'était quelque chose d'émouvant pour moi. Mon père était fait prisonnier par les Anglais quand il se battait dans l'armée de Mussolini. Il est mort dans un camp et il a été enterré là en 1942. J'étais très jeune quand il est mort. On était là-bas avec ma mère aussi. Mais on était dans un camp différent. On ne savait pas où il était enterré. Alors, quand je suis retourné il y a 3 mois, après 35 ans, quelque chose comme ça, je suis allé au consulat italien. Ils m'ont donné le nom du cimetière, tout de suite, comme ça. Ils m'ont dit, c'est émouvant ce que vous faites. Ils m'ont dit, on peut faire rentrer en Italie le corps de votre père et faire une cérémonie avec les anciens soldats de son régiment et tout ça. Mais j'ai dit non. C'est bizarre, la bureaucratie. Pendant 25 ans, ma mère s'est bagarrée pour faire revenir mon père. Et personne ne lui répondait. Désolé, Madame Pratt, on ne sait pas qui c'est. Désolé, Madame Pratt, on n'a pas de chance de savoir où il est enterré. Et moi, je vais là-bas, et c'est réglé en 5 minutes. Mon père est mort en Éthiopie. Maintenant, il reste là-bas. C'est moi qui me déplace. Tu as bien fait. Tu connais l'Éthiopie? Ça, c'est un beau pays, ça. Non, malheureusement, mais tu racontes tellement bien. Hugo est un vrai aventurier. Je vois ça. Non, Claude, je ne crois pas. Maintenant, il n'y a plus d'aventure. Ces temps-là sont finis. Les gens ne voyagent plus. Ils se transportent d'un endroit à un autre endroit. Moi, je vis dans la nostalgie de ces choses. Henri de Montfrey, de Joseph Conrad, des gens comme ça. Ça se ressent dans votre balade de la mer salée. On sent le souffle épique de l'aventure. Et ça marche. Les gens sont pris. On ne demande qu'à revivre à cette époque. Et aux aventuriers modernes, alors. Aux aventuriers. On trinque à nouveau. Ce Chianti est une merveille. Ah, il est très bon, en effet. Mais est-ce bien raisonnable? Oh, comment raisonnable? Pourquoi raisonnable, monsieur? Oh. On est entre amis ici, entourés de beaux dessins, de filles magnifiques. Donc, il faut aussi du bon vin. C'est vrai qu'on se laisse porter par l'ambiance du festival. Les Italiens savent recevoir. Je me suis dit que le festival de Lucca serait une excellente occasion de vous présenter tous les deux. Et je suis content de voir que je ne me suis pas trompé. En effet. Alors, dites-moi, cher Hugo, vous travaillez sur quoi en ce moment? Je travaille pour le périodique Sergent Kirk. Peut-être vous connaissez. On est basé à Gênes. Bien sûr. C'est une revue de grande qualité. Oui. On essaie de faire des bandes dessinées originales. Mais on a des problèmes. Alors, en ce moment, on fait des rééditions de mes comics argentins. Alors, vous avez aussi vécu en Argentine? Mais Hugo est un vrai globe-trotteur. Demandez-lui plutôt où il n'a pas vécu. Il a écumé l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Claude est un bon impresario. Je devrais peut-être l'engager. Il connaît toute ma vie mieux que moi. Comment vous vous êtes rencontrés? Il a fait mon interview l'année dernière pour un journal français. C'est pour ça qu'il se rappelle mieux de ma vie que moi. Mais pour vous répondre, oui, j'ai vécu en Argentine dans les années 50, par là. Simplement, je suis vénitien. Et les vénitiens sont des voyageurs. Et où avez-vous appris à parler français? Mon grand-père s'appelait Joseph. Et il était né à Lyon. Alors, naturellement, mon père parlait déjà le français. C'est bon à savoir. Vous pourriez publier directement en français, alors? J'écris en vénitien, normalement. C'est un langage qui donne des facilités. Je joue avec le langage. Mais j'ai une collaboratrice belge qui sait traduire toutes les choses spécifiques. Georges, vous avez une idée derrière la tête? C'est possible. Je vois bien que Hugo a du talent. Ce serait idiot de ne pas travailler avec lui. Oh, mais s'il vous plaît, ne dites pas ça, après je vais croire. Je suis sérieux. Je suis rédacteur en chef. C'est mon travail et mon honneur de promouvoir des talents. Sérieux. Appelez-moi Georges. Très bien, Georges. Alors, expliquez-moi ce qu'il est, votre journal. Je ne comprends pas bien. C'est pour les enfants et c'est communiste. C'est de la propagande? Pas du tout. La maison d'édition appartient au Parti communiste, mais il nous laisserait libre. Le journal s'appelait Pif Gadget. Avant, ça s'appelait Vaillant. On a lancé une nouvelle formule cette année, ça marche bien. Et on cherche toujours de nouvelles histoires. C'est un grand journal. Vous travaillez avec des pointures de la bande dessinée? Oui, on a travaillé avec Gottlieb ou Goscinny, par exemple. On est très ouvert. En ce moment, on publie une série sur un homme préhistorique qui s'appelle Raon. Les enfants adorent. Bon. Parce que vous savez, moi, je ne suis pas vraiment communiste. Je suis plutôt anarchiste, comme ça. gentil homme de fortune. Ça, on s'en fiche. Je vous dis qu'on ne fait pas de politique. Vous avez un trait de crayon incroyable. Et je suis sûr que vous avez des récits d'aventure à l'appel. Alors, à voir, à discuter. Mais si vous avez une idée pour moi, on se lance. Merci. C'est vrai que j'ai beaucoup d'histoires dans la tête. Alors, passe nous voir à Paris quand tu veux. Si Georges passe au tutoiement, alors... On va pas s'arrêter en si bon chemin. Et on va en reprendre une autre. Hein? Je pars. C'est Paris cette fois? Tu sais où tu vas dormir? Je vais dormir chez Claude Moliterne. Je ne vais rester que 2 ou 3 jours. On a vraiment l'impression que Claude veut que tu viennes à Paris. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Je suis triste comme toi que ça ne marche pas ici en Italie. Mais la France est un grand pays pour la bande dessinée. Et si ça marche à Pif Gadget, je pourrais me faire connaître et faire ce que je veux. Je me plais bien ici. Les Parisiens sont trop snobs. Ça ira bien. Maintenant que Sergent Kirk a fermé, je n'ai pas le choix, de toute façon. Tu vas leur proposer quoi, Pif Gadget? Tu crois que je sais? Je vais réfléchir dans le train. Oui. Bon, ben, tu te débrouilles. Tu lui dis de livrer les planches mardi. On boucle jeudi. Et tu lui dis. Bon, je compte sur toi. Bonjour, Georges. Oui. Je te laisse. À plus tard. Bonjour. Georges, c'est moi. Hugo Pratt. Tu ne te souviens pas? On a mangé ensemble le soir au Festival de Lucca. Si, bien sûr, Hugo Pratt. On a mangé, mais on a bu surtout, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qui vous amène? Je fais ce que tu m'as dit. Tu as oublié? On avait pas mal bu. Qu'est-ce que j'ai dit exactement? De venir te voir pour travailler ensemble. J'ai dit ça, moi? Ah, bon. Alors, tu as une idée, une proposition à me faire? Tu te rappelles du personnage du marin dans la balade de la mer salée? Je me rappelle. Corto Maltese. C'est un personnage très fort. Il m'a été inspiré par mon oncle Ruggero, un libertaire. Alors qu'en Italie, à ce moment-là, tout le monde était fasciste. Lui, il s'en foutait, il n'aimait pas les fascistes. Alors, il voyageait, il revenait et il me racontait ses aventures. Un aventurier, c'est pas mal pour les jeunes, non? Corto Maltese, mais c'est un personnage un peu négatif, non? Mais je peux le rendre plus sympathique. Regarde, je fais quelques dessins dans le train. Bien. Tout en noir et blanc? Oui, simple, à l'encre. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Sobre. Il est beau ton héros, là, avec ses yeux clairs. Son père est un marin de Cornouailles, sa mère une gitane de Séville. Et qu'est-ce qui va lui arriver? J'ai pensé à l'amener en Amérique du Sud, le Brésil, la Guyane, par là. Et ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ah ouais, ça me paraît très bien, hein. On pourrait partir sur quelque chose comme ça. Tu sais, à Pif, on publie des histoires complètes en 20 planches. Tu as 9 semaines pour livrer chaque histoire. Tu restes combien de temps à Paris? Si on signe, je viens m'installer. J'aime vivre où je travaille. Nous, on ne fait pas de contrat. Je peux rien te garantir. Tu démarres en pigiste et on voit ce que ça donne. Mais t'as pas ta revue, là, en Italie? Sergent Kirk. Non, c'est terminé. Bon. Donc, ça te va quand même? Tu peux commencer quand? J'ai déjà commencé. Tu veux parler de ce que tu as fait dans le train? Tu as dit que tu trouvais ça très bien. Ouais, bon, Tu travailles comme tu veux, tant que la qualité est là. Il faut me garantir 20 planches toutes les 9 semaines. Et attention, c'est pas parce que c'est pour les enfants qu'il faut pas fignoler. Mais je suis un vrai professionnel. Je reviens dans 9 semaines et tu verras. Vous êtes à Venise pour une autre affaire, je suppose. Comment vous appelez-vous ? Beppi Faliero. Mais je n'ai rien à voir avec cette famille Faliero, qui a donné à la Sérénissime un doge de triste renommée. Et vous ? Pourquoi êtes-vous à Venise ? Ce n'est pas la première fois que je viens à Venise. C'est même la troisième. J'y suis à cause d'un pari. Un pari ? Une émeraude. Une émeraude. Cette émeraude existe vraiment ou c'est une fable ? Ah, ça, je n'en sais rien. Moi, de toute façon, je crois aux fables. Il y a quelqu'un là-bas. Et voici ! Claude, mon ami, entre, entre. Anne, c'est Claude Molitaire, ami. Claude, voilà Anne Frognier. Hugo m'a beaucoup parlé de vous. Oui, j'imagine qu'il me présente comme sa meilleure collaboratrice. C'est déjà formidable, non ? Tu es la meilleure coloriste, la meilleure lettriste, et tu es la meilleure pour me traduire en français. Tu es la seule qui me comprend. Vous parlez vénitien ? Oui, on s'est rencontrés en Argentine et puis je l'ai suivi à Venise. Claude est corse. Il comprend le vénitien aussi. Ah oui, enfin, pas vraiment. Hein. Mais sinon, on dirait que ça se passe bien avec Pif Gadget. C'est inattendu, hein. Mais tant mieux pour toi. Ils adorent. Corto Maltese, c'est un héros moderne qui parle à l'époque. Je sens qu'il y a comme un déclic. On m'a dit quand même que le journal recevait pas mal de lettres de plainte parce que c'est un peu trop adulte pour les enfants. Ça, je m'en fous, moi. Pour l'instant, personne ne me dit rien. Mais bon, tant mieux. Et sinon, Paris ? Tu vois l'appartement ? Les quartiers, le canal Saint-Martin, tout ça, c'est très bien. Oui, mais Hugo dépense trop, comme à son habitude. Incroyable. Tu dis ça, mais je fais tous les sacrifices dans cette maison. Oh, Claude, tu sais combien j'ai rêvé d'une télévision couleur ? Eh bien, cette sorcière m'interdit ça. Oh ! Parce qu'on a besoin d'un réfrigérateur et on n'a pas l'argent pour les deux. Non mais regarde, on a encore une télévision noir et blanc, tu imagines ? En 1970, on a acheté une télé en noir et blanc. Effectivement, c'est terrible. Bah, de toute façon, je m'en fous, hein. Je pars en voyage. Tu veux venir ? Mais bon, où ça ? En Irlande. Première nouvelle ? C'est pour le travail. J'ai envie d'emmener Corto Maltese dans un univers celtique, comme ça. Je veux retrouver les traces de William Yeats. Désolé, je ne vois pas qui c'est. C'est un romancier. Un poète nationaliste irlandais. Un type formidable. Alors tu veux venir ? C'est gentil, mais je ne peux pas plaquer comme ça mes projets en cours. Je prépare une expo. Bon. Oh, tant pis pour toi. J'aurai la surprise en découvrant la BD terminée. Looking for monkeys in the zoo, and if I had a face like you, I'd join the British Army. When I was young, I used to be the finest lad that you ever did see. And the Prince of Wales, he said to me, go and join the British Army. Toodaloo-ra-loo-ra-loo, they're looking for monkeys in the zoo. If I had a face like you, I'd join the British Army. Tu y vas? Oui. Tu n'attends pas les enfants pour les embrasser? Ah, tu sais que je n'aime pas quand ils pleurent. Il faut les comprendre. Ce n'est pas une mauvaise chose que je ne sois pas tout le temps là, comme ça. Un enfant, ça se construit tout seul. Ils n'ont pas vraiment besoin de père. Moi, j'ai été adulte à 12 ans. Je ne voulais pas qu'on s'occupe de moi. Ça m'aurait emmerdé. Ta fille est fragile et Jonas a 5 ans, pas 12. Ils aimeraient bien voir leur père un peu plus souvent. Je leur rapporterai un cadeau. Qu'est-ce que tu veux, bijoux romantiques ? Parlez avec vous, Corto Maltese. Je te préviens tout de suite, je n'ai pas envie de me battre avec toi. Je suis désolée d'avoir été si impulsive la Bonjour, dernière fois. Claude. Bonjour, Georges. Ça me fait plaisir que vous soyez venu. C'est alors, une très belle exposition. Félicitations. Ah, ça vous plaît ? Mais tant mieux, alors, ça me flatte. J'ai particulièrement apprécié la mise en son des bandes dessinées. Votre travail est très fin, très respectueux des auteurs. Ça fonctionne bien. Merci. Je suis assez content. Tous les auteurs m'ont donné la permission. J'en suis honoré. Une de moins, ça ne change pas grand-chose. Mais et vous ? Comment allez-vous ? J'ai appris la nouvelle pour votre départ de PIF. Il fera votre fortune. Oh, ça devait bien arriver un jour. Il y a eu une reprise en main du journal. Mais je n'ai pas de regrets. C'était déjà inespéré d'avoir un tel contrôle artistique pendant ces 3 années. C'est le Parti communiste qui a repris la main ? En quelque sorte. Mais par l'intermédiaire des éditions Vaillant, leur organe d'édition. Ils ont mis un gars très bien à ma place, mais sûrement plus docile. Quel dommage. J'imagine qu'il va y avoir du ménage chez les auteurs. Je vois bien à qui vous faites allusion. Tant que j'étais en poste, Hugo ne craignait rien. Maintenant, je ne sais pas. Il a une grande gueule, il fait toujours comme ça lui chante. Je ne sais pas si ça passera avec la nouvelle direction. Croisons les doigts. Hugo Pratt, 44 ans, né en 1927 à Rimini. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Ce voyage en Irlande était professionnel ou personnel ? Professionnel. Vous me confirmez que vous travaillez comme pigiste pour PIF Gadget, la revue jeunesse du Parti communiste. Il est auteur de bande dessinée, pas criminel. Pardon, mais qui êtes-vous, madame ? Mademoiselle, Anne Frognier, citoyenne belge, et ici c'est chez moi aussi. Je suis désolé, je vous remercie de me recevoir. Ça ne prendra pas très longtemps. Monsieur Pratt, avez-vous votre carte au Parti communiste ? Vous rigolez ou quoi ? Répondez à la question, monsieur Pratt. Avez-vous votre carte du Parti communiste ? Non. Connaissez-vous ou avez-vous déjà rencontré des membres politiques ou militaires des Brigades Rouges ? Mais non, pas du tout. Je ne suis pas un terroriste. C'est bien vous qui avez écrit le scénario de la bande dessinée intitulée Les Celtiques, qui paraît actuellement dans le magazine PIF Gadget. Magazine jeunesse du Parti communiste français. Oui, j'écris tous mes scénarios. Dans l'épisode du mois dernier, votre personnage principal y donne des conseils très précis sur la fabrication de bombes artisanales. Quoi ? Mais vous rigolez ou quoi ? Je suis très sérieux. Le gouvernement italien voudrait savoir comment vous avez acquis de telles connaissances et surtout pourquoi les publier dans un journal pour enfants. Ça s'appelle de la recherche scénaristique. Attendez, je vais vous montrer. Je suis parti en Irlande il y a quelques mois et j'ai rencontré des gens. J'ai pris des photos, fait des dessins pour coller à la réalité de l'insurrection irlandaise de 1917. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme des Brigades Rouges ou un complot du Parti communiste. Ça, c'est à nous d'en juger, monsieur Pratt. Vous êtes allé où exactement ? Nous étions sur les traces de Yeats, le poète. On a fait tout le Connemara et sommes allés au lac d'Innisfree. Quand vous dites « nous », c'est qui « nous » Madame Frognier ? Non, il a voyagé seul. C'est une façon de parler. Vous êtes sûr ? Vous savez, je vais vérifier tout ça. Monsieur Pratt, vous êtes sûr que vous voyagiez seul ? Oui, puisqu'on vous dit qu'il était seul. Vous avez terminé ? Oui, excusez-moi pour le dérangement. Monsieur Pratt, je reviendrai vers vous pour vous restituer tout ça une fois que cette affaire sera classée. Bonne fin de soirée. Ah, merci de m'avoir évité l'embarras. Je m'en fous, ne dis rien. De toute façon, je te connais trop pour savoir que t'es pas un terroriste. Le reste, je veux pas savoir. Alors, Hugo, tu aimes New York ? Les Américains te traitent bien ? Tu parles. Ils s'en foutent du Goprat. Ah, ne dis pas ça. Ils se tournent de plus en plus vers l'Europe. Ils n'organiseraient pas ces rencontres entre dessinateurs, sinon. C'est le début de la consécration. Regarde autour de toi. Hergé, Jean Giraud, Druyer qui discute avec Stanley et Bernogart. C'est beau quand même. Je suis content parce que j'ai rencontré mon maître, Milton Caniff. Je suis content pour toi. C'est amusant que Pif t'ait payé le voyage pour venir chez les diables impérialistes. Des gens du journal sont là? Oui, Claude Comperon, le nouveau rédac-chef. C'est un garçon sympathique, un ancien prof de sport comme ça. Un vrai communiste. Je rigolais dans l'avion, tu sais. Il donne un papier avec des questions comme « Faites-vous partie du Parti communiste ?» Alors là, il est devenu tout rouge. Mince, la tuile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a menti, bien sûr. Sinon, il ne serait pas rentré. Tiens, le voilà, justement. Claude. Alors, ça se passe bien? Oui. Le vin est pas mal, on a échappé au Coca-Cola. Je te présente Claude Molitaire, mais un bon ami. Voici Claude Comperon, le nouveau directeur de Pif Gadget. Enchanté. Enchanté. Mais je m'excuse, je dois retourner à l'hôtel avant le gala de ce soir. Pas de problème. On discutera tout à l'heure. Alors, Hugo, vous êtes content? Il y a pas mal de monde sur le stand Pif. Les gens s'intéressent à Corto. Je ne sais pas s'il peut plaire aux Américains. Corto est un personnage trop ironique. Les Américains n'aiment pas l'ironie. C'est possible. Mais d'ailleurs, Hugo, puisqu'on en parle... Corto l'est peut-être un peu trop, non? Un peu trop quoi? Un peu trop ironique. C'est vrai, il n'est pas très, disons, humaniste comme personnage. Pif, c'est quand même un journal qui a pour but de valoriser le progrès humain. Le progrès humain, oui. On respecte ton style, Hugo. On ne veut pas te dire quoi faire, mais globalement, Corto Maltese est quand même un peu trop complexe pour les enfants. Tu devrais t'inspirer un peu plus de ce que font les autres dessinateurs. Quelque chose d'un peu plus simple, plus abordable. Je vois ce que tu veux dire. Je vais réfléchir. Le coup de grâce. Si je désire nul haut d'Europe, c'est la flash. Noire et froide, ouvert un crépuscule embaumé... Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche, un bateau frêle comme un papillon de mai. Hugo, franchement, on ne peut pas démarrer comme ça. Les enfants ne vont rien comprendre. C'est Rimbaud, pourtant. Mais, tu as vu les sacs dans l'entrée? Ce sont les lettres de plainte pour la dernière parution. Les parents réclament le retour de Raon. Bon, c'est quoi la suite? Regarde, j'ai détaillé. Pour être plus abordable pour les enfants. Là, regarde. Corto explique ce qu'il fait. Il voit un fusil près d'un soldat mort et dit « Le fusil de ce soldat tué pourra me rendre service. » Non mais Hugo, tu plaisantes? Mais après ça, il prend le fusil pour achever le soldat attaché à un poteau en train de brûler vif. Alors oui, ça c'est très clair. Mais c'est pas possible pour des enfants de 8 ans, Hugo, 8 ans! Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire, Claude? On publie, c'est trop tard. On n'a pas le choix. Mais on va devoir arrêter, Hugo, je suis désolé. On termine Corto en Afrique et puis on arrête. C'est mieux pour tout le monde. Maintenant que tu es publié chez Casterman, tu n'as plus besoin de nous, de toute façon. Mais les ventes des albums ne suffisent pas, c'est un petit tirage. Je suis désolé, Hugo... Il te reste encore quelques semaines pour te retourner avant la fin de la publication. Alors, comment ça s'est passé chez Casterman? Bien, bien. Comment ça, bien? T'as arrêté le contrat? Non. J'ai eu une longue discussion avec Didier Plateau, le directeur des éditions. Je voulais arrêter tout. Mais il m'a proposé quelque chose. Il veut sortir la balade de la mer salée comme un roman, mais en format BD. L'histoire intégrale, en noir et blanc, format souple et broché. La maquette est magnifique. C'est nouveau. Didier y croit beaucoup. Vendre la BD comme un roman. Il m'a payé une avance et ils vont faire beaucoup de publicité. Alors, j'ai dit oui. Mais c'est super! Oui! On reste ici alors? On reste à Paris, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? Je vais partir, Anne. Ah. Tu vas où, cette fois ? Non, Anne, je vais déménager. Seule ? Oui. Quand ? Je ne sais pas encore. J'ai trouvé un petit appartement près du Sacré-Cœur. Je serai mieux pour travailler. Tu as l'argent pour ça ? Oui. Casterman a donné beaucoup. Il n'y aura pas de soucis pour toi et les enfants. Ne nous laisse pas tomber, Hugo. S'il te plaît. Je ne vous laisserai jamais tomber. Je vous le promets. Je serai toujours là pour vous, d'une façon ou d'une autre. C'était Hugo Pratt, La naissance de Cortot, de Vincent Hazard, avec Enrico Di Giovanni, Hugo Pratt, Cécile Arnaud, Anne Frognier, Jean-François Regazzi, Claude Moliterni, Daniel Berliou, Georges Rieux, Didier Cherbuis, Claude Comperon, François Hatt, Le Policier, Nicolas Gonzalez, Corto Maltese, Giulia Deline, Pandora Grovesnor. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles, Marie Le Peintre. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidorov. Nous étions jeunes et larges des peaux, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande, et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, il y a des fleurs sauvages. N'y pense plus, tu es de passage. On the road again, again. On the road again. On dit toujours bande dessinée, mais pour moi, c'est une littérature dessinée. Hein, comme il y a la littérature filmée, que c'est le cinéma, et comme il y a la littérature pure, que c'est l'écriture. Après, il y a une autre littérature, que c'est formidable, que pour moi, c'est le summum de la littérature, c'est la poésie. Alors là, c'est l'art. France Inter, Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Hugo Pratt, La naissance de Cortot. Notre invité, Didier Plateau, éditeur belge de bande dessinée. Bonjour Didier Plateau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditeur, vous avez commencé votre carrière en 1972 et puis au fil du temps, vous avez créé votre propre maison d'édition intitulée Moulin Sart, du nom du château du capitaine Haddock, puisque vous êtes un spécialiste de Tintin, d'Hergé, on va dire plus précisément. Vous êtes belge vous-même et professeur d'édition à l'université de Louvain, c'est bien ça? J'ai été là, j'ai été. Vous avez été. Bien. Alors, nous parlons donc aujourd'hui d'Hugo Pratt, avec tout d'abord une question qui nous hante. Après avoir écouté la fiction, au fond, qui était le héros de fiction, finalement, dans Corto Maltese, et qui était le dessinateur, autrement dit, Hugo Pratt est-il, par certains aspects, Corto Maltese? Voilà. Bah, c'est un peu ce que disait Milan Kundera, hein. Les personnages de fiction sont des égos expérimentaux des auteurs, hein. Donc de manière intense, distante ou rapprochée. Pratt s'en défendait, il dit « je ne suis pas Corto Maltese ». De fait, physiquement, il n'était pas du tout, mais il était quand même aventureux, voyageur comme Corto Maltese. Donc il y avait des accointances. Par contre, il s'est représenté dans d'autres bandes dessinées. Dans Wheeling, il s'est représenté en personnage. Par exemple, Corto, manifestement, Corto physiquement, ça n'est pas lui. Donc voilà, mais donc l'aventure, l'esprit libertaire, la tolérance, la curiosité des cultures, ça c'est lui. Le rapport aux femmes aussi dans Corto Maltese, il est toujours entouré de belles femmes, mais j'ai ouï dire que dans sa vie, c'était à peu près la même chose. Voilà, donc dans Corto Maltese, c'est étonnant, dit-on, Corto Maltese amoureux des femmes, mais en fait, il n'y a pas d'histoire d'amour au Corto Maltese. Donc il y en a bien deux où on croit deviner qu'il y a un début. Mais donc, Hugo Pratt a toujours raconté qu'il a eu une sorte d'amour impossible dans sa jeunesse. On croit que c'est Pandora, d'ailleurs. Alors, par contre, de fait, donc Hugo Pratt disait qu'il aimait dessiner très jolies femmes pour lui-même. Et il aimait ainsi... Elles étaient d'abord très intelligentes, elles étaient souvent dangereuses, des femmes de caractère. Donc, pour lui, elles sont l'égal de l'homme au niveau de l'héroïsme, de l'esprit d'aventure. Et alors, il leur faisait dire ce qu'il avait envie qu'elles disent. Donc, elle lui disait toujours que c'est plus facile en bande dessinée d'avoir une relation avec une femme que dans la vie réelle, puisqu'il pilote la relation, à tout le moins. Bon, je rappelle qu'Hugo Pratt, comme son nom ne l'indique pas forcément, est italien, mais je tombe pas dans les clichés, il n'y a aucun rapport avec les femmes. Je voulais dire qu'il était italien, au passage, pour rendre un hommage à... Vénitien, non seulement à lui, mais à ce pays qui a généré tant d'artistes et une histoire artistique si forte. Bref, alors, dans une interview, Hugo Pratt explique, il dit, je le cite, « Mon rêve, c'est de dessiner quelque chose avec une ligne qui est une succession de points, et avec cette ligne, je raconte tout. » Alors cette ligne noire qui deviendra la marque d'Hugo Pratt est une conception artistique forte. Est-ce que Corto Maltese est au-delà de la BD une œuvre d'art, même si officiellement la BD est devenue le 9e art? Mais il y a, regardez, dans Tintin par exemple, que vous connaissez bien, l'accent est mis sur les personnages, les situations et les histoires. Bon, le graphisme est intéressant, mais enfin c'est pas non plus de l'art. Hugo Pratt, oui. Oui, donc, mais je crois que, évidemment, il a un trait absolument magnifique et personnel. Alors, sa force, je crois que c'est un grand dialoguiste. C'est un grand dialoguiste et je crois que c'est un romancier qui dessine. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a fait le succès. Donc, moi, quand j'ai commencé à le publier, ça marchait pas du tout. En 1972, 73, toutes les bandes dessinées avaient le même format, comme Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs, cartonné, couleur, 48, 64 pages. Voilà. Et on l'a publié comme ça. Donc au départ en noir et blanc, ça n'a pas marché du tout. Hein, c'était le premier titre, c'était Le secret de Tristan Van Tam, ça n'a pas marché du tout. On s'est dit, c'est en noir et blanc, c'est la couleur, tout était en couleur. On l'a fait en couleur, échec. Et donc ça m'a intrigué, parce que Hugo Pratt a dit, je travaille plus avec Casterman, ça ne marche pas. Bah oui. Et je suis arrivé en lui disant, on te change de positionnement, on va te prendre une position qui n'existe pas en bande dessinée, tu es un romancier qui dessine. Et on va publier La balade de la mer salée en noir et blanc, comme un roman, couverture souple. Voilà. Et on a dit, voilà, tu travailles comme un écrivain, qu'une plume et de l'encre. Et on l'a lancé, donc c'était en 75, et ça a marché tout de suite. Pas encore le grand succès, mais tout de suite, on a vu que quelque chose se passait. Et l'année qui suit, en 76, à Angoulême, on a eu le prix de la meilleure œuvre étrangère. Et là, ça a décollé. Et cette histoire est d'autant plus fabuleuse qu'après, on s'est dit, mais quels sont les auteurs qui peuvent faire ça? Il n'y en avait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a réuni des gens comme Tardy, comme Auclair, comme Forrest, et d'autres, hein, Cabane, et puis d'autres Belges comme Skuyten. Et là, vous pouvez faire ça? Et ils ont dit oui. Et on a créé le magazine à suivre. Donc toute l'histoire de la balade, c'est ça. C'est étonnant quand même, parce que quand on voit ces dessins, on se dit que si aussi la valeur ajoutée de cet univers, de Corto Maltese et de son œuvre, bah, je sais pas, pour moi c'est le dessin, donc je suis oui, étonné. Oui, non, mais il était très doué, hein, il était terriblement doué, parfois il ne crayonnait même pas, il savait dessiner en direct les personnages, donc il était surdoué, hein, il était à la fin de sa vie, il adorait l'aquarelle, c'est un aquarelliste remarquable, un peu stupéfiant, c'est comme un écrivain, on dirait il a du style, il a du grand style. Ouais. Mais il aimait bien qu'avant le grand style, donc il y ait une narration qui soit la sienne et qui était l'aventure et l'ésotérisme et le rêve. Alors on va revenir à sa vie, puisqu'elle est intimement liée à son art. Il a une vie d'aventurier, on peut le dire, hein, depuis son enfance. On rappelle, en 42, le camp où il est enfermé avec sa mère, son père mourra en détention parce qu'il avait fait le mauvais choix politique, hein, le choix du fascisme. Puis après, c'est le retour à Venise. Vous diriez que cette vie d'aventurier, elle se retrouve vraiment dans ses BD? Oui, tout à fait. Donc c'est souvent, c'est parfois les mêmes parcours, hein. En Éthiopie, par exemple, on retrouve Corto Maltese, là où était Pratt lui-même. Hein. Donc, de fait, il y a une similitude d'itinéraire, d'aventure, avec une caractéristique, c'est toujours remonter le temps à la recherche des racines. Donc, il y a toujours un motif, je veux dire, superficiel, artificiel, qui est un trésor. Toujours un trésor à rechercher, quelque chose à trouver que Corto ne trouve pas nécessairement. Oui, mais enfin, il faut bien une trame scénaristique. Voilà, c'est ce qui permet de partir à l'aventure. Mais fondamentalement, c'est chercher des racines historiques, des racines culturelles, des racines humaines, et de rendre toujours, chercher toujours à rendre aux auteurs qu'il aimait leur place dans son œuvre. Exemple, Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. Eh oui. Donc il faut savoir que le père d'Hugo lui a offert un jour le livre L'île au trésor de Stevenson quand il était adolescent, et lui a dit « J'espère que dans ta vie tu trouveras ton île au trésor. » Et donc, par exemple, Stevenson, c'est très important pour lui, et donc il va presque à la recherche de ses auteurs dans ses aventures. Hein, donc, et ça, il le dit clairement. Et on a fait d'ailleurs une exposition à Bruxelles il n'y a pas longtemps où on a rendu hommage à tous les auteurs qu'il avait lus. Ce qui est immense d'ailleurs. Sa bibliothèque faisait 20 000 livres. Et donc, la bande dessinée, c'était ça pour lui aussi. Rendre hommage aux auteurs, mettre ses pas dans les pas des auteurs qui l'ont nourri. J'ai 13 façons de raconter ma vie. Et je ne sais pas s'il y en a une de vraie ou même si l'une est plus vraie que l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Hugo Pratt ? Tout à fait. Il aimait bien cette navigation entre le rêve et la réalité. Et il disait d'ailleurs que le plus réel dans la vie d'un homme, c'est son rêve, c'est ses rêves, plus que la réalité quotidienne. Et donc, il aimait cette navigation comme ça entre le rêve et la réalité. Et donc, et il en jouait d'ailleurs. Avec talent. Pour notre plus grand plaisir. Didier Plateau, on se retrouve dans 3 minutes. On continue de parler d'Hugo Pratt, bien sûr. Se ti incontro un giorno che non piove, io ti sposo. E non dire no, che son tre vite che non riposo. Ma piove laggiù. Sopra i campi, sopra il mare blu, il vento è poesia, la notte madida di nostalgia. Ti ricorderò per la dolcezza che mi hai donato, non mi illuderò di avere indietro quel mio passato, ma vorrei laggiù, su quei campi, su quel mare blu, un po' di poesia, la notte magica e sei tutta mia, splendida, bella come un tempo, da far morire la realtà, sembrerà un inganno, con l'anima vedrai un mare in luce e ti accorgerai che quel mare in luce non finisce mai, se saprai ridere del tempo in questa vita, se vorrai, quando c'è buon vento potrai incontrarmi là nel mare in luce. Didier Plateau, nous vous retrouvons donc pour parler d'Hugo Pratt. Alors, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais tout de même, est-ce qu'il y a un incident déclencheur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'identifiable qui l'a amené à la bande dessinée et pas au roman ou au poème? Est-ce qu'il y a eu un moment où une raison précise pour laquelle il a fait ce choix? Vous me disiez tout à l'heure que c'était voilà un romancier qui dessinait. Mais enfin, pourquoi ce choix de la BD? Alors formellement, les faits, c'est après la guerre, en 1945, à un moment où il se retrouve libre, il fait partie d'un groupe avec un magazine qui s'appelle L'As de Pique à Venise, hein, avec d'autres, avec des romanciers, avec je crois il y avait Ongaro, mais il y avait aussi des dessinateurs, Faustinelli et bien d'autres, et ils ont alimenté ce magazine bande dessinée. Il était le dessinateur, donc ce n'est que tardivement qu'il a commencé lui-même à concevoir des histoires. Et donc, c'est un autodidacte, hein. Donc il s'est fait la main là. Pendant des années, il s'est fait la main à dessiner des histoires pour d'autres. Et donc voilà, le fait c'était ça. Avant, il n'y avait pas, à part comme grand lecteur, il n'avait pas d'activité particulière. Et donc c'est un autodidacte. Et puis après, qui a travaillé avec une vitesse fantastique, puisqu'il a fait plus de 10 000 planches dans sa vie. C'est cette vitesse qui lui a permis de vivre, parce qu'il n'a pas toujours bien vécu financièrement. Ah bon ? Non. Bah, la balade, il a fait la balade quand il avait 40 ans. Donc voilà, là, je veux dire, le grand Pratt émerge. Mais avant, il faisait de la copie rapide, que ce soit en Italie ou après en Argentine. C'était un dessinateur rapide. Alors, on va revenir sur sa vie et les choix qu'il a pu faire. Une dernière question sur son art, proprement dit, sur son graphisme, ses histoires, qui sont aussi parsemées de cases muettes, de postures contemplatives, flirtant parfois avec l'abstraction, des grands aplats de noir, ces fameuses deux lunes aussi. Qu'est-ce que ça nous dit de l'œuvre d'Hugo Pratt et de la poésie énorme qu'elle a. Oui, oui. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que de fait, c'est une des rares œuvres où il y a du silence. Oui. Alors, c'est un grand dialoguiste, hein, et ça le faisait. Il adorait ça. Les séquences silencieuses ou muettes. Le plus bel exemple, je crois que c'est dans L'été indien, donc c'est pas Corto Maltese, c'est une histoire qu'il a fait dessiner par Manaref et le scénario, mais sa grande fierté, un jour je disais devant tout le monde qu'Hugo Pratt est un grand dialoguiste, il m'a dit oui mais dans L'été indien les 16 premières pages sont muettes, il n'y a pas un dialogue, donc 16 pages muettes. Donc mais là il y avait beaucoup d'action, mais sinon il y a parfois de l'immobilité. C'est le Melville de la bande dessinée, oui, un peu. Hein. Oui. Alors, comment Hugo Pratt se retrouve-t-il dans le journal Pif? Je crois que la fiction le dit assez bien. Donc, il y a une rencontre par Claude Moliterni entre Rieu, le rédacteur en chef de PIF, et Hugo Pratt dans un festival à Lucca, en Italie. Oui. Mais ça s'est arrêté quand Rieu a arrêté aussi. Et donc après, le rédacteur en chef suivant a dit non, c'est terminé, ça ne convient pas pour le public pour enfants, on arrête. Donc voilà comment ça s'est fait. Et donc c'est presque un exploit, c'est presque une anomalie heureuse et fabuleuse. Qui a précédé la création de la balade de la mer Salée. Je me suis laissé dire que le voyage était une seconde vie pour Hugo Pratt. C'est facile de se laisser dire. Hein. Il suffit d'aller voir dans sa biographie et de lire ses BD. Il y a une quête de soi dans le voyage. Une de ses amies disait qu'il allait sur les lieux pour vérifier. C'est intéressant. Pour vérifier plutôt que pour découvrir. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi, ça? C'est tout à fait. Je vais vous donner un exemple. J'ai voyagé avec lui. J'ai fait un voyage au Canada avec lui. Et donc, on voulait trouver la tombe de Simon Gertie. Toujours remonter aux sources et vérifier. On y revient. Exactement. On y revient. Simon Gertie, c'est le héros de Wheeling. Il adorait ça. Et Simon Gertie, le dessiné, c'est Hugo Pratt. Là, c'est clair, c'est lui. Et donc, il m'a dit, mais d'abord, on va s'arrêter. On était à Montréal. On va s'arrêter près des chutes du Niagara. Il y a un tout petit cimetière et quelques tombes. Et là, il y a un Indien qui était enterré. Et sur sa tombe, il y aurait des signes de la franc-maçonnerie. Quel donc ? Bon. Et donc, nous avons été. Et nous avons vu la tombe de l'Indien, et nous avons vu les signes de la franc-maçonnerie sur sa tombe. Voilà. Alors il lui a parlé à l'Indien. Bon. Alors je lui ai dit, pourquoi tu parles aux morts? Il m'a dit, au moins, eux ne me répondent pas. Donc voilà. Et donc il dialoguait avec les morts. Mais le fait qu'il ait des signes de franc-maçonnerie, en quoi ça l'intéressait? D'abord, il était franc-maçon. Ah bah voilà. Et puis ce personnage, on l'a retrouvé dans Wheeling peu après. Voilà, donc... Donc après, on a continué, on est descendu à travers tout le Canada pour arriver à la frontière américaine, pour retrouver cette stèle funéraire de Simon Gertie. On a passé 3 jours de recherche, on a finalement trouvé la stèle funéraire. Donc on a passé 10 minutes à bien vérifier, c'est bien sa selle funéraire. Il avait un livre sur Simon Gerty, on a lu quelques extraits, etc. Puis il a fermé le livre, il a dit « Ok, maintenant on rentre ». On est reparti, on est monté sur Montréal, on a pris nos avions pour rentrer sur l'Europe, etc. Donc voilà. Donc elle a vérifié. On a c'est vérifié, hein, voilà, retour aux sources, vérifié, et donc et ces personnages se retrouvent dans ces bandes dessinées. Quelle personnalité était-il, puisque vous l'avez bien connu, oui. Quel genre d'homme c'était, dans la vie? On aime bien savoir, vous savez, les grands... Ah ben joyeux, hein, ça c'était joyeux, donc c'était des événements, quand on se voyait, c'était d'abord la bonne table... On discutait toujours à table. Il chantait parfois à la fin du repas, donc il jouait très bien de la guitare. Donc on parlait lecture, aventure, relations humaines, femmes, etc. C'était un homme d'une... Alors je vais pas dire une grande fidélité, parce qu'il a trahi. Moi, il m'a trahi éditorialement, mais pour des bonnes raisons. On s'est retrouvés après. Mais quand il promettait. Même s'il n'y avait pas de contrat, si on disait 2 ans après, tu te souviens, tu me l'as dit. Il dit, je te l'ai dit, oui, tu me l'as dit. Ah ben alors, ok. Et donc voilà, moi je le retrouvais ou à Bruxelles, ou à Paris, ou à Venise, ou à Montréal. C'était tout à fait inattendu, hein. Nos rencontres étaient tout à fait inattendues. Alors, dernière question, qui est un peu une question rituelle. La trace que laisse un artiste dans l'histoire de son art, il a fait des émules. Et qu'en disent aujourd'hui les scénaristes BD, les dessinateurs BD, Hugo Pratt est une référence? J'imagine que la réponse est oui. Oui, donc on a presque, je veux dire, pas dire inventé, ce que Hergé a fait aussi de la bande dessinée en noir et blanc, de longue pagination, mais donc c'était le roman graphique. Mmh. Ce qu'on appelle maintenant le roman graphique, c'était la balade, la mer salée. D'ailleurs, sur les couvertures de l'époque, on avait marqué carrément « Je n'ai pas roman », en tout petit en dessous, en bande dessinée. Mmh. Voilà, aujourd'hui on dirait roman graphique. Oui, il a fait école, donc je sais pas, il y a des grands aujourd'hui qui sont à son niveau, c'est Munoz par exemple, hein. Donc voilà, il y a des géants. Munoz a suivi quelques-uns de ses cours, je crois que c'était au Brésil ou en Argentine. Et oui, Hugo Pratt est une référence, mais en même temps, il est presque inimitable. L'intérêt de, puisque vous savez qu'il y a un dessinateur qui est Rubén Peleguero, qui a repris le personnage avec le scénariste Canales, ils ont ça fait très bien, parce que c'est leur nouveauté qui s'appelle Sous le seuil de minuit. C'est du Cortot, on l'identifie très bien, mais en même temps, c'est leur patte à eux. Voilà, c'est l'école, quoi. Voilà, c'est l'école, c'est pas Pratt lui-même. Bien, merci infiniment Didier Plateau, et probablement que nos auditeurs qui ne connaissent pas beaucoup Hugo Pratt vont être encouragés à le découvrir, hein, et on va les encourager à le faire. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Hugo Pratt, La naissance de Cortot, une fiction écrite par Vincent Hazard, réalisée par Michel Sidoroff et Juliette Gou, émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Julien Michel.